Je m'appelle Thibault Loup, maître de chapelle à la cathédrale de Lyon, directeur de la maîtrise de la cathédrale. Mon travail, j'ai la responsabilité de toutes les liturgies sur la cathédrale, ainsi que les concerts éventuels qui peuvent être mis en place. Ensuite, au-delà de ça, les enfants qui sont en primaire et au collège sont en classe CHAM avec Sainte-Marie-Lyon, et à ce titre, je dois gérer, j'ai la responsabilité de ces classes CHAM. Je me présente, Yann, âge 20 ans. Ce que je fais dans la vie, sans emploi pour le moment, enfin, j'en cherche. Ma passion dans la vie, la musique et lire. La musique, c'est, pour moi, ça m'apporte tout et ça m'évoque surtout soit des souvenirs, soit ça me redonne de l'énergie et j'aime bien, j'adore, j'en écoute souvent. Et je pratique même un instrument de musique. Je fais de la guitare, enfin, je viens de débuter et franchement j'adore ça et j'ai envie de continuer et d'apprendre encore et encore. Mais si je devais dire un style de musique particulier, je dirais de l'électro. Et voilà.